Chapitre 3e, la patrie des cœurs. Une fois tous les clients servis et partis, Hartley et son frère restent seuls dans la boulangerie. Quelques minutes après, entre une jeune femme. Elle tient en main un sac en plastique pour y mettre des baguettes de pain. Elle est habillée d'un joli pantalon bleu et d'une chemise blanche. Son abondante chevelure noire est réunie en chignon derrière la tête. À sa vue, le visage de Hartley s'épanouit de plaisir. Mohand, lui aussi, sourit à la cliente. Arrivée tout près du comptoir, elle dit « Des voisins m'ont informé que la boulangerie était fermée ce matin. J'en fus très inquiète. C'est pourquoi je suis venue maintenant pour avoir des nouvelles. Que s'est-il passé ?»« Bien, » lui répond Hartley. Il lui indique la petite porte donnant vers la partie arrière de la boulangerie où se fabrique le pain. Puis il relève la planche du comptoir permettant de passer. Rapidement, la jeune femme se dirige vers l'endroit proposé. « Monde, » dit Hartley, « si des clients viennent, occupe-toi d'eux. » « Oui. » Hartley et la femme disparaissent dans la partie postérieure et la porte se ferme derrière eux. Une fois seule, la femme enlace fougueusement Hartley. Il la reçoit dans ses bras et les deux restent unis, tout heureux, serrés l'un contre l'autre. Un long moment après, la femme murmure avec une profonde agitation contenue « Oh, j'ai peur pour toi. » Quelques secondes après, elle se détache et regarde tout ému Hartley. « Ah, Uriah, Uriah !» s'écrie-t-il, lui aussi profondément troublé. Les deux amoureux, trop heureux, se contemplent, les yeux dans les yeux. Uriah est âgé de 22 ans. Sa peau reflète un agréable bronzage naturel. Son visage présente des traits réguliers, embellis par un fin nez aquilin, des lèvres charnues et des yeux dont le beau noir étincelant est rehaussé par l'ardeur du regard. Quant à la poitrine, elle est garnie d'une superbe paire de seins, dont Hartley jouit de la vue par les champs creux de la chemise portée par Uriah. Elle est un magnifique spécimen de jeune femme méditerranéenne, toute lumière et chaleur. On ne peut s'étonner que Hartley en soit tombé amoureux. Il le fut d'abord des yeux de Uriah, quand elle venait acheter du pain, le reste du visage étant caché par un voile blanc traditionnel algérien. Depuis la première fois qu'il vit ses deux prunelles, elles restèrent incrustées dans sa mémoire. Elles illuminaient la nuit de sa solitude sentimentale. Aussi attendait-il chaque jour cette cliente toute particulière. Elle venait presque quotidiennement. Chaque fois, le boulanger ne résistait pas à fixer son regard sur les yeux de sa fille, et ces derniers s'offraient généreusement à la vue de l'amoureux. Un invisible feu unissait le marchand et la cliente pendant un instant, le plus doux, le plus brûlant des instants. Uriah finit par comprendre ce qui était né dans son cœur. Aussi s'arrangeait-elle pour se rendre à la boulangerie quand il n'y avait pas de client. Puis arriva ce qui devait arriver. Une fois que Hartley était seul, tandis que son frère cadet s'occupait à la fabrication du pain, eut lieu le miracle. La main de Uriah posa l'argent sur le comptoir. Au moment où Hartley lui rendit la monnaie, les deux mains s'effleurèrent, quasi instinctivement, tremblèrent. Aussitôt, les deux regards se rencontrèrent et leur langage fut éloquent. Les numéros de téléphone furent échangés et les graines de l'amour se sont épanouies dans les sillons des deux âmes, fertiles en tendres sentiments. « Ah !» reprend Uriah dans l'arrière-fond de la boulangerie. « En apprenant la fermeture de ton magasin, je t'avais envoyé un message sur ton portable. Ne voyant pas de réponse de ta part, je fus angoissé, tellement angoissé. « Excuse-moi, » répond Hartley. « J'étais trop occupé par la recherche de Mohand. Je n'ai pas eu l'occasion de voir ton message. » Les deux soupirants se contemplent un instant. Ne pouvant résister à leur impulsion, ils s'enlacent encore une fois avec ardeur, se caressent, se blottissent totalement l'un contre l'autre en demeurant unis. Après un long moment, Hartley se détache un peu de sa bien-aimée et murmure, d'une voix troublée par l'exaltation, « Je crois venu le temps de nous décider. »« Oui, » acquiesce-t-elle. Hartley, tout surpris, demande, « Tu as compris à quoi je fais allusion ?»« Je crois que oui. »« Alors dis-le-moi. »« De nous marier. » Pour toute réponse, Hartley enlace de nouveau Uriah. Elle l'accueille dans ses bras et les deux tourtereaux jouissent de la douce chaleur de leur corps, de leurs esprits et de leur cœur. De nouveau, ils se détachent un peu l'un de l'autre. « Tes parents, » demande Hartley, « seront-ils d'accord pour notre mariage ?»« Et pourquoi pas ?» s'étonne Uriah. « Je suis Kabyle, » précise Hartley. « Et alors ?»« Tu es un jeune homme honnête, travailleur, de physique qui me plaît, et tu as conquis mon cœur, cela suffit. »« Et si cela, tes parents, ne suffit pas ?»« Je connais mes parents, » tranquillise Uriah. « Par chance, nous avons les mêmes idées sur la vie. Et tes parents à toi ?» lui demande-t-elle. « Accepteront-ils ?» Ils n'ont pas oublié, répond Hartley, comment s'est réalisée l'indépendance de notre pays. Ce miracle eut lieu, disait-il, parce qu'on ne parlait pas d'arabe ni de kabyle, mais d'algérien. ceux qui voulaient alors ou veulent aujourd'hui nous séparer ont comme but de nous dominer, chacun de son côté. Or, ce qu'il nous faut, c'est nous respecter les uns les autres, nous aimer et rester unis pour ne plus être dominés encore. « D'accord, » réplique Ouria. « Cependant, tes parents ne préféraient-ils pas te voir marié avec une Kabyle ? C'est possible, mais j'ai déjà l'argument pour les convaincre. Lequel ? Je leur demanderai, » explique Ali, « mes chers papa et maman, quel est votre plus précieux désir en ce qui me concerne ?» Je connais déjà leur réponse, parce qu'ils m'ont exprimé plusieurs fois. « De te voir heureux ?» Alors je répliquerai, « Et si je vous dis que j'ai connu une fille qui m'a rendu heureux ?» Ils proposeront, « Alors épouse-la. » Je demanderai, « Donnez-moi votre bénédiction. » Si par hasard ils posent la question, « Est-elle Kabyle ?» Je leur ferai savoir, « C'est une femme que j'adore parce qu'elle m'a rendu heureux. » Ensuite je plaisanterai, « Il y a de fortes probabilités que sa Kabylité fût arabisée voici plusieurs siècles. Aussi pour elle, il n'y a pas de Kabylie d'arabe, mais seulement des personnes honnêtes et justes ou malhonnêtes et injustes, et voilà. » Toute contente, Ouria suggère, « Je voudrais tant aller rendre visite à tes parents. » Je leur montrerai qu'ils n'ont pas à s'inquiéter à mon sujet. Nos enfants, à toi et moi, jouiront de tout ce que toi et moi nous leur donnerons comme culture et sensibilité. Ils parleront aussi bien l'oranais que le kabyle, et toutes les langues du monde qui leur plairont, et se marieront avec les personnes du monde qu'ils aimeront. Ce langage éclairé et universaliste de la part d'Ouria n'étonne pas Akli. Elle lui avait raconté une partie de sa vie. Elle est enseignante dans une école primaire. Les problèmes existants lui ont donné conscience des graves défauts du système scolaire. Pour les comprendre et les affronter, elle a bénéficié de l'aide de son père. Il est professeur de mathématiques dans un lycée et secrétaire d'une section syndicale autonome d'enseignants. C'est également lui qui avait choisi le prénom de sa fille, Ouria, proche du mot « liberté ». « Oui, » confirme Akli, « nous irons voir mes parents ensemble et nous leur demanderons leur bénédiction. Je suis certain que nous l'aurons. » Auparavant, ajoute Ouria, je voudrais te demander une chose. Laquelle ? Que tu m'apprennes juste quelques phrases en kabyle, par exemple, dire à tes parents, « Mes chers papa et maman nouveaux, je vous prie de nous accorder votre bénédiction pour notre mariage, Akli votre fils, et moi, dorénavant, votre fille. » Akli, très touché par la proposition, secoue vigoureusement la tête en signe d'assentiment. « Tanmirt, merci, » en kabyle, lui répond Ouria, qui savait déjà ce mot, que Akli lui avait déjà appris. « Je le ferai. » dit-il, je le ferai avec plaisir, et mes parents en seront très contents. Il ne faut pas oublier, continue Ouria, de les assurer que nous irons régulièrement les voir, et qu'ils peuvent compter sur nous pour quoi que ce soit. Et s'ils veulent vivre avec nous, ce sera pour nous une immense joie, et pour nos futurs petits-enfants. En présence d'une jeune femme si intelligente, si généreuse et si attendrissante, outre au charme de son physique, Akli est effectivement heureux. Quant à Ouria, ce qui l'enchante de la part de Akli, c'est un visage d'une expression si ouverte, si chaleureuse, si accueillante, qu'elle procure une ineffable sensation de douceur. Elle devient rapidement ce mystérieux, puissant et irrésistible sentiment appelé amour.